Tu es désormais à l'écoute du podcast Épicure, shoot numéro 3. Yo man, Épicure, c'est ça, Épicure. Hey. Alors, salut à toi, cher auditeur. Je te remercie infiniment d'être revenu. Si c'est ta première fois, bienvenue. Je te salue bien bas. Épicure, un petit podcast que je me fais. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait. Je vous avais d'ores et déjà averti que je ne serais pas régulier. Chose promise, chose due. Pour me rejoindre, pour tout sujet, pour me conter vos histoires de jeunesse, pour me suggérer des sujets, pour quelque raison que ce soit, il me fera grand plaisir de vous répondre et, si vous m'envoyez des audios, de vous diffuser. jshamel99@gmail.com. Alors, je suis actuellement dans ma superbe voiture, mon presque studio d'enregistrement. Différence d'avec d'habitude, ma fenêtre est ouverte, ça se peut que vous entendiez du monde passer, ça se peut que je fasse des petites pauses. En temps normal, je ferme les fenêtres et puis je me laisse crever de chaleur ou de froid dans l'auto. C'est un studio que j'adore, je le conseille à tout le monde qui veut avoir... un son intéressant. Il y a pas beaucoup de réverbération, il y a pas beaucoup de sons qui viennent de l'extérieur quand les fenêtres sont fermées. Tout arrêté dans la voiture, je m'assure de fermer tout ça et puis s'enregistre. Mais là, pas de temps à part. Je en profite, il fait beau, c'est l'été. J'ai pas vraiment de plan de fait. J'ai quelques notes que je me suis prises dont je vais vous communiquer l'intérêt tout à l'heure. Petit review sur les épisodes passés. Concernant l'épisode du geocaching, j'ai grosse famille qui m'a contacté. Je sais pas s'il veut que je dise son nom. En tout cas, c'est un risque à prendre. Ça n'a pas été mentionné qu'il voulait pas que je le dise. Alors, il m'a fait quelques commentaires que j'ai beaucoup, beaucoup appréciés. L'un des points qu'il faut que je travaille, c'est les rebonds. Il trouve que quand que je parle, j'ai beaucoup de en tout cas lui il appelle ça des rebonds là, et c'est quelque chose que je fais plus ou moins volontairement parce que un au montage c'est beaucoup plus facile quand j'ai des reprises à faire d'avoir certaines élans, j'appelle ça un peu comme des vagues, et puis j'essaye de d'avoir un certain rythme et varié. Et puis varier un peu mes intonations, surtout quand j'ai des textes à lire, quand je vais avoir vraiment des documents préparés. En creux de vague, c'est plus facile de refaire certains passages. Donc c'est des élans, donc à un moment donné, là, c'est que si je parle trop rapidement, ben c'est plus difficile. Mais bref, c'est que j'avais d'autres, peut-être pas. Oh! Avant-hier, il y a quelqu'un qui m'a parlé de mon chapeau tilé, une petite madame, j'étais au Canadian Tirelire. C'est pas drôle, là, en tout cas. Puis elle m'a demandé, hey, monsieur, est-ce que c'est un chapeau tilé que vous avez? Oui. Mais vraiment, là, je le conseille à tout le monde, c'est un chapeau qui est fantastique. Il y a une petite pochette dedans. Moi, je porte ça, été comme hiver. J'ai plus de portefeuille. C'est fini, ça. Je mets toutes les cartes qu'on a de besoin régulièrement, je les mets dans mon chapeau. Je suis en maillot de bain, je m'en vais à l'épicerie, je mets mon chapeau, je sais que j'ai mon portefeuille, j'ai mon chapeau, j'ai tout ce qu'il faut. Mon chapeau Maitley, là, tout est parfait dans le meilleur des mondes, écoute bien. Fait que, faites une petite recherche, Tilly, c'est des chapeaux, écoute, ça peut aller dans l'eau, ça peut aller beau temps, mauvais temps, ils sont lavables, le truc, justement, si vous voulez qu'il dure longtemps, votre chapeau, c'est de le laver très régulièrement, à toutes les semaines, si possible, lavez-le, vous le lavez le soir, le lendemain matin, il est sec, là, puis parce que sinon on se ramasse comme avec un genre de cerne là, puis j'en avais, c'est mon troisième que j'ai actuellement, mon chapeau tilé. Et puis le premier, je l'avais pas lavé beaucoup, puis je le porte écoute à tous les jours. Puis là, ben je me suis ramassé que écoute, il est plus lavable là. Je le lave, mais c'est parce qu'à la minute que je transpire dedans, il sent un charogne là. Fait que c'est ça, super confortable. Comme autre point, encore un petit côté bizarre de moi. Je trouve ça bien drôle parce que l'an passé, les enfants m'avaient donné un kit de reine du Père Noël pour mettre ça sur la voiture. Le panache, il a tombé après quelques semaines à force de rentrer dans le garage de toile en plein hiver. Le panache a été arraché. Il ne me reste plus que le petit nez rouge en avant. Ah, je peux-tu vous dire que ça fait jaser? Il n'y a pas une lumière, je pense qu'il n'y a pas un piéton qui me regarde pas de travers, puis qui regarde, puis qui essaie de comprendre c'est quoi cette patente qui traîne en avant du char. Moi, je m'amuse bien gros à dire au monde que je fais sécher mon pote là-dedans, là. Il y a un petit gars, justement, la semaine passée, qui me demande, il était dans le toit avec son père. Tu t'aurais dû y voir la face du père, toi. Petit gars, il est assis en arrière de l'auto. Puis, là, je viens pour partir. J'avais mon trailer en arrière. Puis, là, bon, je check mes affaires. Je m'enligne pour partir. Puis là, le petit gars, il était assis en arrière. Il dit, hey, monsieur, c'est quoi en avant? C'est-tu un champignon? C'est le père, là, il aurait voulu fondre. Tu sais, là, il s'enligne, là, puis hey, là, ça se dit pas, puis... Fait que j'arrête à... Je retourne le volant, puis je me renligne en avant d'eux autres, puis... Non, j'ai dit, c'est un nez de chevreuil, là, un nez de reine, du Père Noël, là, j'avais le panache, mais j'ai plus le panache, puis... Ah, là, le bonheur. Fait qu'on t'a le pain, il se déchaîne, quand il voit que je suis pas sauvage. Je suis pas sauvage pour deux scènes, écoute bien. Fait qu'en fin de compte, ah ouais, tu t'achètes ça où? J'ai dit, Dollarama. J'ai dit, quand sera le temps de Noël? J'ai dit, gagne-toi de ça. J'ai dit, c'est super drôle. Fait que, bon. Mon petit épisode du nez rouge en avant de mon auto. Il m'a dit, il commence à être moins rouge, pas mal. Le soleil fait son œuvre, hein. Autre point. Que j'en avais quelques-uns là, puis là mais je n'oublie là, puis j'avais les enfants se sont mis en communauté, ma plus jeune Ketoukash avec ses amis, ils ont décidé de s'acheter un hérisson. Hey, c'est-tu dole, rien qu'un peu un hérisson. C'est beau là comme bébite là, je te dirais. Mais c'est parce que c'est nocturne. Y'a-tu quelque chose de plus plate pour un enfant avec une bébite qui se réveille à 11h30 le soir? Moi, c'est pas pire, là. Il commence à courir dans ses roues, là. Je suis pas encore couché. Mais pour un enfant, là, en tout cas, je sais pas ce qu'ils vont faire avec, là. Parce que là, il y avait une cabane en l'air de chez nous. Puis là, il y a une des mères qui leur a donné un poisson rouge. Là, hier, j'ai rappelé à ma fille qu'il y avait un poisson rouge dans la cabane en arrière. Elle dit, ouh, ouais, ça fait une couple de jours qu'elle y a pas été. Là, tu sais bien qu'il a changé l'eau d'un poisson rouge à 30 degrés dehors. C'est ordinaire pour eux autres, là. Mais en dégât. Une fois de temps en temps, là, je m'occupe de changer l'eau, là. Ça vient comme assez dégueulasse vite, là. Fait que c'est un job de pire, ça, hein. Il y a des jobs de gars. Sortir les poubelles, puis s'occuper des poissons, puis du output des animaux, c'est un job de gars. Autre point que je voulais vous jaser, si vous avez un crayon à prendre... À portée de main, c'est le temps, trouvez-vous un petit bout de papier. Un des domaines que j'aime beaucoup et que je trouve qu'on entend, mais tellement pas assez parlé, c'est l'astronomie. Cet été, je trouve qu'on a vraiment un beau ciel qui s'en vient. Écoute, gars, ça va être un bonheur incommensurable pour tous ceux qui veulent s'initier au ciel. Pas besoin de jumelles, des jumelles, mais déjà juste pouvoir les en retracer. Pour ce faire, je me suis pris en note le périple de la Lune cet été. Donc, je commence en date du 12 juillet. Donc, le 12 juillet, c'est la pleine Lune. Ben, à date, vous devriez être capable de la retrouver. le 18 juillet, la Lune passe à côté de Uranus. Donc, vous allez être capable de la reconnaître. En passant, pour faire la différence entre une planète et une étoile, quelque chose de très facile, c'est qu'une planète ne scintille pas. Facile, hein? La planète, vu qu'elle est plus proche de nous, la lumière n'est pas assez déformée, ou le corps céleste est assez gros pour ne pas trop être déformé. Donc, il y a une certaine surface qui permet à la lumière de passer, donc on ne la voit pas scintiller. Une étoile, on a l'impression qu'elle a comme un petit stroboscope dedans. Et la raison est très simple, c'est que c'est un point unique. La lumière vient de tellement loin qu'on ne peut pas dire qu'il y a un diamètre. Si vous regardez des étoiles avec des jumelles, avec un télescope, il n'y a à peu près rien qu'Hubble qui est capable d'aller chercher des affaires, là. Mais sinon, une étoile, peu importe l'instrument que vous allez regarder, c'est un point et ça restera un point. Bien sûr, il y a des taches qui sont des nébuleuses, certaines galaxies, qui à ce moment-là, on va voir un certain diamètre, mais on va quand même les voir scintiller à l'œil nu ou avec peut-être avec un instrument, là, peut-être pas trop. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'observation comme telle. Mais bref, je continue. Donc, le 12 juillet, la pleine lune. Le 18 juillet, la lune passe à côté de la planète Uranus, Neptune-Pluton, donc Uranus. Le 22 juillet, la lune passe à côté de Aldébaran. C'est qui, ça, Aldébaran? C'est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. Donc, le 22 juillet, la lune est en plein Taureau. Vous allez pouvoir la reconnaître, cette constellation-là. Le 24, deux jours plus tard, elle passe à côté de Vénus et Mercure. Le 26, deux jours plus tard, c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand qu'il n'y a pas de lune. Quand qu'il y a la lune, on la voit, mais elle est noire. En passant, là, quand c'est la nouvelle lune, là, c'est le meilleur moment pour regarder les étoiles. C'est un plus grand bonheur. Et ensuite, on tombe au mois d'août. Du 1 au 3 août, la Lune passe à côté de Spica, c'est qui? C'est une étoile principale de la galaxie de la Vierge. Elle passera aussi à côté de Mars et Saturne. Donc, vous voyez déjà où est-ce que je veux en venir. Si vous voulez repérer les étoiles, les planètes dans le ciel cet été, c'est une période qui est très propice. Donc, le 5 août, la Lune passe à côté de Antares, géante rouge dans la constellation du Scorpion. Du 10 au 30 août, il serait intéressant que vous regardiez le balai entre Mars et Saturne. Donc Saturne va avoir l'air à rester pas mal sur place. Et puis Mars, qui est très proche de nous, passera quand même assez rapidement. Mais on va pouvoir le voir comme le mouvement des étoiles. Malheureusement, le 10 août, c'est la pleine lune. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que le 11 août, c'est ma fête. Wouhou! Le 11 août, c'est ma fête. Et à toutes les fois que c'est ma fête, je me crisse couché à terre toute la nuit et je regarde les Perséides. Les Perséides, c'est des étoiles filantes. Dans la constellation de Persée. Allez voir les cartes, ça, les cartes du ciel, là, vous allez être capable de retrouver ça assez facilement. C'est juste en dessous du W qui est Orion. Là, vous allez voir un W dans le ciel. Et puis un petit peu plus bas, c'est Persée. Donc avec la pleine lune, il y a beaucoup d'étoiles filantes qu'on ne verra pas parce que leur luminosité sera trop faible. Mais c'est pas grave, c'est un phénomène, ça vaut tellement la peine. On voit quand même les plus grosses. Ce qui est intéressant quand on voit les plus grosses, c'est que souvent il y a des bolides. Les bolides, ce sont des poussières plus grosses là qui tombent c'est des roches. Mettons gros maximum là, la grosseur d'un pneu d'auto là. Donc celles-là rentrent plus profondes dans l'atmosphère, elles deviennent extrêmement lumineuses. Souvent, ils vont avoir des trajectoires assez longues dans le ciel, donc vous allez pouvoir voir peut-être un 10, 20, même des fois un 30 degrés d'arc. Dépendamment de quoi ils sont composés ou comment ils sont faits, il se peut qu'ils se séparent en plusieurs parties. Quand tu vois ça, là, tu peux être couché après, là, tu finis ta bière, tu vas te coucher, là, c'est un bonheur. Tu fais un vœu, là. Ceux qui ont des vœux à faire, là, pour ça, c'est du 10 au 12 août, là. Un petit peu avant, un petit peu après, là, mais, c'est vraiment la période que c'est plus intense. On parle souvent de plusieurs milliers de perséides. L'an dernier, on a été, au Mont Mégantic. Où ce qu'il y a le Mont pas loin de Mégantic. Donc au Mont Mégantic, ce qui est agréable, arrivez de bonne heure et inscrivez-vous pour pouvoir monter en haut de la montagne. Donc si vous inscrivez pour monter en haut de la montagne, vous pouvez après une fois rendu, après ça vous pouvez passer le temps que vous voulez. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a toujours un concours entre en haut et en bas du Mont Mégantic. Donc il y a des personnes qui sont en bas. En bas c'est plaisant parce qu'il y a beaucoup d'animateurs. Qui vont vulgariser le ciel, ils vont vous montrer les galaxies, les étoiles, tout comment ça fonctionne. Ils ont des lasers là, puissants, des lasers verts, là, donc ils peuvent pointer certaines constellations dans le ciel et on voit un trait lumineux. Soit dit en passant, les lasers verts sont interdits d'utilisation en haut de l'horizon. Donc, si jamais vous achetez sur Internet des lasers verts, c'est interdit de pointer ce laser-là vers le ciel et surtout pas sur les avions. La raison en est quand même assez simple. Ce n'est pas que vous allez aveugler le pilote de l'avion et le rendre aveugle. Faudrait que vous visiez comme un petit peu trop solide. Mais tout de même, la lumière de ces lasers-là rentre dans la cabine de pilotage. Et pour créer à ce moment-là une lumière qui est quand même assez intense. Et puis les pilotes perdent leur vision de nuit. Pour si jamais vous sortez dehors pour observer des étoiles, là, donnez-vous au moins on dit que ça prend 25 à 30 minutes avant que notre œil s'habitue totalement à la noirceur. Donc souvent c'est que si vous êtes à proximité d'un aéroport, et puis vous pointez un laser comme ça sur un avion, le pilote perd sa capacité à bien voir de nuit. Et bon, généralement il va être en phase d'atterrissage dans la cabine, tout est noir. Les indicateurs, toutes les contrôles dans l'avion sont conçus pour ne pas nuire à la vision de nuit. Une lumière qui ne nuit pas à la vision de nuit, c'est souvent la lumière rouge qu'on va utiliser. Et puis, je crois qu'il y a le bleu. Bref, c'est le bleu et le rouge. C'est parce que ces lumières-là sont à l'extrémité du spectre visuel. Donc, influencent beaucoup moins, là. C'est sûr que là, justement, le vert est en plein centre et notre œil est très performant dans la couleur verte parce que, bon, génétique, on a été conçu pour vivre dans la nature. Ça fait pas longtemps qu'on est sorti du bois, là, on s'entend. Et puis notre œil a été très adapté à voir le vert, donc il a amplifié énormément le vert dans le spectre visuel. Un petit peu d'histoire, comme ça, hein? Je vais vous en faire une fois de temps en temps. Écoute bien, vous méritez ça. Donc on est rendu au mois d'août, le 11 août, les perséides. Le 18 août, Vénus et Jupiter seront très proches. En tout cas, vous allez pouvoir les retracer. Là, on a de Jupiter, Vénus, on l'a vu le 24 juillet, donc, avec la Lune. Là, Vénus a passé à côté de la Lune, donc à partir de ce moment-là, continuez à la suivre dans le ciel. Vous allez pouvoir suivre sa progression. Très bel exercice en passant à faire. Vous allez peut-être comprendre bien des choses dans l'univers grâce à ça. Et si vous regardez Vénus, à ce moment-là, elle sera à 95% pleine. Vénus, un peu comme la Lune, on peut voir des croissants dessus, dépendamment où est-ce qu'elle est placée par rapport au Soleil. Le regarder avec un télescope, c'est super le fun. Jupiter, un autre astre absolument époustouflant à regarder. Vous allez pouvoir regarder la tâche. Vous avez un télescope, là. Moi, j'ai un petit télescope, là, 4 pouces. Là. Je suppose c'est quelle marque, là. Vous allez pouvoir regarder le balai des 4 principaux satellites au télescope. On peut en avoir un petit peu plus, là, mais même avec des jumelles, on peut facilement avoir les 4 lunes de Saturne. Et puis, c'est le fun de voir, justement, là, qu'on peut voir le plan sur lequel les lunes vont se déplacer. Ce qui est drôle à ce moment-là, c'est peut-être d'aller voir sur Internet quelles sont ces lunes-là. Et vous allez pouvoir les identifier là, en fonction de la distance qu'ils vont aller. Ah, cette lune-là va le plus loin, donc c'était lune. Celle-là, je l'ai vu passer, c'est son maximum de distance. Fait que vous allez pouvoir à ce moment-là savoir quelles sont les lunes de Saturne. Le 25 août, c'est la nouvelle lune. Le 27 septembre, j'ai pris en note qu'il y avait une éclipse, mais elle ne sera pas visible du Québec. Cependant, il y aura éclipse totale le 8 octobre. Éclipse totale de lune visible de Québec et Montréal. Cependant, ajustez votre montre parce que le milieu de l'éclipse sera à 5h54 et la lune se couche à 6h06. Donc vous allez pouvoir voir la première partie du phénomène de l'éclipse. Avis aux photographes, ce sont de très beaux moments pour prendre des photos parce que la lune sera très près de l'horizon. Donc analysez un petit peu là, vos positions géographiques, un beau décor, ça va faire des photos absolument phénoménales le 8 octobre. Donc ça vous laisse 10-15 minutes pour un petit peu plus parce que c'est quand même un phénomène qui est assez long là, le temps que l'éclipse commence. Donc éclipse totale à 5h54, le coucher de la lune. Donc ça vous fait des belles photos quand même à prendre. Il y a le 23 octobre aussi qu'il va y avoir une éclipse, mais on ne la verra pas du Québec. Mais écoute, nos amis européens peuvent peut-être la voir, ou sinon je ne sais pas d'où est-ce qu'elle était visible. C'est les notes que j'avais prises pour le périple de la Lune. Je voulais refaire rapidement. Pleine Lune le 12 juillet, 18 juillet, la Lune et Uranus. Le 22, Aldébaran dans la constellation du Taureau. Le 24 juillet, Vénus et Mercure. Nouvelle Lune le 26, 1 au 3 août, Spica dans l'étoile principale de la Vierge, à part la Lune va passer aussi à côté de Mars et Saturne, le 5 août, la Lune est avec Antares dans le Scorpion, 10 au 30, balai entre Mars et Saturne, le 10, la pleine Lune, le 11 août, les Perséides, le 18 août, Vénus et Jupiter seront très proches, le 25 août, nouvelle lune, le 8 octobre, une belle éclipse lunaire à observer. Donc, c'est ce qui fait un petit récapitulatif du ciel de cet été. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a le sapm.qc.ca. Donc, c'est la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal. Et la faaq.org, Fédération des astronomes amateurs du Québec. Généralement, je pars de là et puis je passe une belle soirée. Soit à chercher sur Internet plus de détails sur à partir des forums et de ce qu'il y a à voir. Et puis à partir de là, vous allez trouver une panoplie de sites les plus incroyables les uns que les autres. Autre point que j'avais, c'est plutôt une réflexion, je te dirais. Je te dis-tu, parce que je sais pas combien il y a de monde qui m'écoute, puis de toute façon, on t'y connaît pas non plus. Mais j'étais dans la douche puis je me demandais les hommes des cavernes, là, ils ont-tu rêvé d'avoir l'eau chaude? Et puis je parlais de ça avec le beau-frère. Mais il dit ouais, mais il dit il savait pas que ça existait. Ouais, mais Chris, ça voyage dans le temps, on sait pas que ça existe, puis on en rêve pareil. Là, ils devaient-tu rêver eux autres quand il arrivait l'automne, là, que les feuilles tombaient des arbres? Puis quand même, je commençais à arriver, là, puis que ça lui tentait de se frotter, il devait se frotter avec du sable, il devait se frotter, il se lavait-tu? Ah, il m'a laissé passer le camion parce que ça va faire un vacarme. Bon, le camion passé. C'est un peu les avantages quand on enregistre avec la fenêtre ouverte. Les autos, c'est pas pire, là, mais les camions, là, c'est un peu ordinaire. Fait que c'est ça, je me demandais, je dis, est-ce que les hommes préhistoriques ont rêvé? En tout cas, si vous avez une idée là-dessus, là, à partir de quand que on a des traces que les hommes ont eu de l'eau chaude? J'aimerais ça savoir dans quel millénaire ça a commencé. Là. Je sais qu'il y avait les Vespa, qu'il y avait, mais c'était des sources thermales. Là. Mais à partir de quel moment est-ce que l'homme a commencé à se faire de l'eau chaude pour se laver de façon confortable? Quand il fait chaud, on saute dans la piscine. On est bien content quand il est à 78, là, mais jusqu'à 72, je me baigne, là, mais en bas de ça, là, Burst, là, qui était courageux. Hein. Bon, ça fait que, gars, j'aurais encore plein de choses à te dire, narjaser, gars, je vais m'arranger pour en refaire les plus bonheurs, je vais m'arranger pour éditer un peu ce que j'ai fait à la date. Si je vais être capable de remettre Épicure pas trop tard, là, si vous voulez prendre connaissance là, du ciel et tout ça, si je vous remets puis qu'on est rendu à fin juillet, il y a la moitié du podcast qui est plus bon. À la prochaine. Épicure, il y en a pas souvent, mais il y en aura d'autres. Assurément. Salut à toi.